Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Eh ben, lui, tu peux annoncer le disque. Le disque, c'était Je sens pas bon entre les cuisses avec Mais je me soigne. Eh ben, voilà. Donc, alors, on va. Écoute, on accueille Verlaine de Montigny-le-Bretonneux. On écoute Fun Radio sur 101.9. Oui, bonsoir, c'est Montigny-le-Bretonneux. Ouais, ben, je le sais. Pucelle du Sud. Salut Gérard. Bonsoir. Petit Nénuphar. Salut Gérard. Bonsoir à toi. Et string en fleurs. String à fleurs, oui, ami poète du soir, bonsoir. De Montluçon. De Montluçon, oui. On écoute. Bonsoir. On écoute Fun Radio sur 87.8. Exactement. Pour Pucelle du Sud, c'est 98.9, c'est ça? Exact. Excuse-moi Gérard, on a un nouveau, là j'ai eu le temps d'en faire une nouvelle, c'est La Chaude. Salut La Chaude. Ça va la chaude? Oh, je suis excité de soirée, Gérard. Oh, tu fermes ta gueule, toi. Non, mais calme-toi, La Chaude. Gérard, tu m'excites, putain. Mais calme-toi, La Chaude, quand même. Ok. D'accord? Ouais. Donc, tu as 19 ans, c'est ça? C'est ça. Et tu appelles de? J'appelle de ma chambre. Ouais, mais de quelle ville? Ouais, ta chambre. Ok, j'appelle de Versailles. Versailles, voilà. 101.9 FM. Bon, mieux que tu es chaude. Oui, je suis chaude, j'ai un doigt dans la chaude. Non, je suis... Ouais, attends. Tout à l'heure, tu vas être vachement chaude, ouais. Que tu as dégagé. Ouais. C'est okay. Un débat sur la poésie, donc tu dis que tu mets un doigt dans ton sexe féminin. D'accord. Voilà. Ouais, ben, toi, plus tard, tu commences à t'écraser, d'accord? Alors, le deuxième débat se portera sur les poésies, ouais, les poèmes, ouais. Et n'ayez crainte, il y en a quand même quatre après qui seront à lire. Ah non. Quand même, hein. On fera les poèmes après. Je raccroche pas. Ce truc, ça plaît pas. Ça sera le même prix. Quoi, moi, je raccroche. Si t'es pas contente, tu vas te faire foutre. D'accord? Tu vas pas commencer à me casser les couilles. Ok? C'est bien compris. C'est bien compris. Hein? Alors, comment doit être réalisé un poème? On va demander ça à La Chaude, là, comme elle a un doigt dans la chatte. Comment je vais retirer? Mais, oui, c'est quoi la question? Comment est-ce qu'on doit réaliser un poème? Non, c'est comment qu'on encule ta sœur? Bravo, là. Salut. Je te répète ta question, s'il te plaît. Bon, elle, tu me la prends en scandale. Attends, j'ai envie de répondre. Alors, tu réponds tout de suite. Alors, c'est quoi la question? Non, bah allez, hop, on va demander à Verlaine. Verlaine. Comment doit-on réaliser un poème? Ouais. Moi, je pense le plus simplement du monde, avec des phrases, des mots, des virgules, des points, à la ligne. Et surtout un point final. Voilà, point final à la ligne, c'est ça? Un final, et tout à fait. Ok. Je pense. Pucelle du Sud. Ouais. Il faut compter les pieds pour faire des vers. Donc c'est soit 12, tu fais des alexandrins, soit moins, soit plus. Mais ouais, tu fais des rimes, tu fais des jolis mots, des jolies phrases qui vont ensemble. Mmh. Ok. Voilà. Petit nénuphar. Bah oui, donc tu dois faire des tercets, des vers, tout ça rime, etc. Ça du son, de la tonalité. Bon, c'est quoi là, ce bordel là? Tu l'as dit, c'est bien, parce que je répète pas. Hein. Non, on va visser, Manu, y'a pas de problème. Non, mais c'est bon là, Rigo. On travaille. Ouais. Gérard, non, mais c'est un auditeur. J'ai un super service à te demander, ça va te faire chier, mais faut que j'aille faire pipi. Bah, tu vois, non, mais attends, Manu. Avant de sortir, je te demande l'autorisation. Mais Manu, tu veux pas que j'aille te la tenir? Non, ça va, mais je te demande si je peux y aller, quoi. Bah, tu te démerdes, tu te magnes. Bah, merci, Gérard, je reviens. Hein. Je lave les mains. Alors, petit nénuphar. Bah, je t'ai répondu, tu vois, tu m'as pas écouté. Non, mais c'est pas de ma faute. Donc, vas-y. Donc, il faut que les phrases aient de la tonalité, de l'expression, etc. D'accord. String en pleurs. Bah écoute, moi je dis qu'il faut trois choses que je suis pas sûr que t'aies, c'est l'art de conjuguer, le sens de l'orthographe et quand même un minimum de syntaxe. Non, mais de toute manière, Si, quand même. Non, t'as pas. N'importe quoi, ça donne je vois te dire je t'aime et puis bon, ça craint quoi. Non, mais de toute manière, il n'y a pas spécialement. Je veux te dire, je t'aime, ça, c'est mes trucs à moi, ça, c'est. Il faut de la syntaxe, toi, tu mets de la syntaxe dans tes poèmes, t'en as un maximum. Mm-hmm. Il en faut de la syntaxe, il faut aussi de la conjugaison. faut du bécherel, du bled, tout ça. Il fait péter les rimes aussi. Hein. Voilà, ouais. Non, mais attendez, attendez, on accueille qui, là, maintenant? Attends, pas encore, non, je vais la rappeler, parce que j'ai besoin d'une ligne. Tu viens à la fiole et puis tu prends la ligne. Carrément. Ah, non. Ouais, voilà, le bulldog secret, tu vois, tout le monde le veut. Et ouais. Apparemment, il y en a un qui s'appelle Arnett ou Tony. Non. Ah, non. Ouais. Alors donc, comment doit être réalisé un poème? Bon, ben, de toute manière, ça va être des rimes. J'ai pas répondu. Non, mais toi, tu vas te faire foutre. Laurent, s'il te plaît. Pablo. Mais non. Mais c'est dit, de toute manière, je veux pas t'entendre, toi. C'est samedi, je suis sûr. Mais... comment je réalise mes chers poèmes? Ah, vas-y. Eh bien, moi, j'aime deux doigts de sensualité avec un tiers de whisky et un tiers de Gérard. Ouais, alors, tu vois, Pildar. Gérard, j'ai envie de dire ça. Pildar. Pildar. Pildar. Quoi? Pildar. Quoi? On travaille. Mais laisse-le pousser un peu. Ouais, Benjamin. Tu m'as mis sur la Game Boy. Oh, putain, l'autre, au lieu de travailler, il est en train de faire de la Game Boy. Mais il est cool, en il plein. Est cool. Non, mais. Il est cool. Ouais, il est cool, Fulda. Il est cool, Fulda. Donc, apparemment, comme il n'a pas l'air de vouloir travailler au standard, c'est. Mais il est cool. Alors, peut-on utiliser un poème pour séduire? On va demander à String en fleurs. String à fleurs. Ouais, à moins qu'il y ait une question minicale sur la première question, Rigaud, non? Il te demande, alors attends, de Turpentine, est-ce que tu comptes tes pieds pour faire un poème? Est-ce que, Gérard, il répond à la question. Donc, tu me disais? Est-ce que tu comptes tes pieds quand tu écris un poème? Non. Et non, pas du tout. Et tu comptes tes vers? Non plus. Non, non, ils picolent, les vers. Vers du cul. Les vers du cul, toi, tu l'affirmes un peu. Donc, string en pleurs. Tu peux draguer, c'est clair, ça a de la draguer, les poèmes. Moi, je me souviens, l'autre fois, j'ai branché une nana, je lui ai cité un poème, c'était un truc du genre, je sais pas, viens la cochonne, que je te ramène, avec mon gros dard, je vais t'éclater ta boîte à Suchard. Direct, j'ai réussi à la faire, direct. Et t'as pu trouver quelqu'un comme ça? Ah, j'ai pu trouver plein, ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois, tu leur fais 2-3 rimes, mais c'est bon, hein, t'emballe. Ouais, mais je pense pas, mon ami. Bah, toi, t'as fait pareil, t'as bien conquis des dizaines et des dizaines de femmes grâce à tes poèmes. Non, je pense qu'à mon avis, là, tu te trompes, vraiment, tu te trompes. Bah, reconnais que tes poèmes ont quand même fait ta gloire. Ah, mais attends, mais moi, ce que je lis à l'antenne, ce que je lis à l'antenne, ça, c'est différent. Hein. Mais ça attire pas les femmes? La chaude, tu t'écrases un peu. Mais tu m'as touché, moi. Non, mais toi, tu vas t'écraser parce que tu m'énerves. Ah, t'as touché où, la chaude? Ah, loin. Donc, on accueille? On accueille Santa Belgica, il nous appelle de Belgique. Et voilà, il est cool. T'as quel âge, Santa Belgica? J'ai 23 ans. Voilà. Salut, Santa Belgica. Salut, toi. Bonjour. Donc, petit nénuphar. Putain! C'est quoi cette merde là? Calmez-vous les auditeurs, merde. C'est bon, quoi. Non, on se dépêche. Gérard, vas-y, continue le débat. Encule ton cul, toi, la salope, là, tu as fermé ta gueule pour de bon. C'est la chaude. Ah, la chaude. C'est un conseil que je te donne avant que... Allez, dégage. Hop, bonne nuit. Pour la chaude. Allez, montez ça, moi. Quel bordel, en ce moment. Donc, petit éléphant. Ouais. Donc, c'est quoi la question? Alors, peut-on séduire avec un poème? Peut-on utiliser un poème pour séduire? Manu, fais gaffe. Tu te calmes, Manu. Hein. Bah, j'en sais rien parce que aucun mec m'a séduite avec un poème. Pour l'instant. Ils s'en foutent, là, ils sont déjà partis. Attends, c'est quoi ça, Gérard? Ça vient d'où, ça? Non, mais Fildar, quand tu feras bien ton boulot. Ouais, Fildar! Bravo! Merde! Qu'est-ce que ça fait? Non, tu ne l'auras pas. Mais c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est, j'aurais quoi? Ça ne l'aura pas parce que tu vas te mettre un MD. Ouais, c'est un petit truc, MD, un cerf. Donc, niette. C'est qui? C'était un remix, un exclusif que je voulais pas te dire parce que c'était une surprise. C'est qui? C'est Verlaine. Ouais, Verlaine. Ouais, moi je pense quand même qu'on peut, pour répondre, pour revenir un peu dans le débat, là, je pense qu'on peut répondre à la question quand même, parce que t'as réussi à séduire la grosse Sandy avec tes poèmes. Verlaine, tu restes poli parce que la grosse Sandy a ton merde. Oui, c'est vrai, pardon, mais c'est comme toi, c'est parce que tu l'appelles comme ça toi, donc je pensais qu'on pouvait l'appeler comme ça. Quoi. Non, non, mais attends, moi je lui dis ce que je veux. Hein, donc. Veux, c'est vrai. Ben, voilà quoi. Avec bon, alors dans ces cas-là, comme vous faites les cons, eh ben on arrête. Oh non, on n'arrête pas. Oh non. On arrête. Non, je vais vous parler. Sur l'IRSA, on a dépassé les 4582,4. On commence à arriver vers notre record, alors j'aimerais bien que le débat se passe calmement. Non, mais moi, dans ces cas-là, je voudrais bien que les gens. Je voudrais bien que Fuldar fasse bien son boulot avant qu'ils se prennent des claques. Allô. Gérard. Oui, allô, fin de bonsoir. C'est qui? Oui, t'es au standard, je veux parler de quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Phil? Je veux parler au doc, oui, quitte pas. Bon, Gérard. Fuldar! Bah, moi, j'attends, hein. J'attends que tu fasses ton débat, moi, je peux rien faire sans toi. Hein. Ouais, c'est bon. Je peux rien faire sans toi, Gérard. Non, mais. Gérard, c'est trop une merde. Bon, Gérard, pour en venir au débat, il y a Turpentine qui te demande si t'as séduit Sandy grâce à tes poèmes. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une question que tout le monde voudrait savoir. Comment? Est-ce que ça attire les animaux, les poèmes? Est-ce que ça attire ta connerie? Ah, t'es drôle. Gérard, c'est donc, ici. On va demander à Petit Nénuphar. Oui. Ah ben non, t'avais déjà répondu. Oui, j'ai répondu, mais tu m'as pas écouté une fois de plus. Bon, alors vas-y, dis. Ben non, c'est bon, j'ai répété, hein, c'est bon. Mmh. Bah, allez passer à un autre. Hein. Donc, on va demander à Pucelle de Nuit. Pucelle du Sud. Gérard, on me repose la question sur IRC. On me redemande si Sandy. Hein, on me la redemande pas. Non. Quoi, attends, Manu, s'il te plaît, c'est pas toi qui commande, c'est Rigo, toi, tu es derrière. Elle va venir plus tard, la question. La grosse, oh, non, je la garde pour toi. La grosse, ça t'emmerde, toi, connard. On dit que... Elle va venir plus tard, s'il te plaît. Fildar, s'il te plaît. Tu peux répondre? On reprend le débat là, t'as un nouvel auditeur en plus. Alors on a Santa Belgica et Potiron du sexe. Ouais, salut Coco. Oh! Salut Potiron. Salut Potiron. Allo Coco? Potiron, tu réponds comme il faut! Ouais, bonjour. Salut. Ça va? Oh là là là. Oh putain! Eh, c'est quoi là, ces auditeurs que tu me prends toi? Mais qu'est-ce que t'as, Gérard? Attends, attends, Gérard, j'ai rappelé un mec de Belgique parce que tu voulais des Belges dans le débat. Donc plus, moi je rappelle plus, des Belges. C'est quelqu'un de l'internet et en tu l'as toujours pas fait participer, c'est Santa Belgica. Il a toujours pas répondu à ta question. C'est un Belge, il attend, hein? Plus celle du sud là, tu vas fermer ta gueule un peu. Non mais dis rien, vas-y, réponds Santa Belgica. Alors, je veux savoir si ça... En fait, je suis poète à mi-temps en Belgique, hein. Je veux savoir si Gérard reconnaît mes œuvres. Non. Non, mais je peux dire un poème peut-être. Non. Oh mais tant pis quand même. Une non est née le jour où nous nous sommes rencontrés. Et cette mélodie, elle sera toute notre vie. Vas-y, gros. Voilà, c'est fait. C'est génial, quand même. Je vais me coucher. Deuxième demain, vous allez me foutre. Ah, mais Gérard, il était bon, il était bon, son poème. Putain, tu pourrais faire correctement ton travail. Putain, mais c'est pas vrai, hein. Gérard, il est pas beau, son poème. Tu pourrais écouter. Ça m'a pris 3 ans pour faire ce poème. Pucelle du Sud. Oui, Gérard. Moi, on me situe pas avec des poèmes. Avec des billets, avec des carottes râpées, des clés douces, des choses comme ça. Verlaine. Oui, bah moi je pense que je suis d'accord avec Pucelle du Sud. Mm-hmm. Non mais tu es précise. Bah c'est-à-dire que on peut effectivement ou on ne peut pas quoi. Maintenant c'est chacun un peu pour soi. Et pour la marque tu fais quoi? Non, il y a pas de marque. Pour c'est-à-dire que par exemple pour quelque chose comme Orangina ou Coca-Cola. Bon alors Pour en revenir à ma question de tout à l'heure, donc sur IRC on te demandait si tu avais si Sandy avait été charmé par tes poèmes. Debout, espèce de fainéant. Tu vois pas que les autres sont délicats. Allez debout. Tu es vraiment un bâtard, tu vois d'abord. Quoi? Dédicace? T'es vraiment un fumier. Il nous le demande à chaque fois. Ouais, mais attends, c'est vous, espèce de fainéant, là. Bah, on va l'appeler. Bon, bah, justement, on accueille Poupou le Mystère. Oui, salut, bon. Poupoule. Salut, Sandy. Salut. Allez, toi, alors, debout, espèce de fainéant. Tu vois pas que les autres s'amusent, là? Allez, debout. Allez, debout, Poupoule. Avec nous. Car c'est la fête. Non, ça y est. Bon, alors, poupou de mystère. Oui, bonjour, Gérard. Bon, t'es là? Ouais, ouais, je suis là, t'as quel bon, bonsoir. Bon, donc, C'est bon. Bonsoir, bonsoir. Ici. Bon, Poupoule, t'as bien vu que c'était pour toi? Ouais, ouais, bah j'ai bien vu, ouais. Bah, donc, t'inquiète pas, j'ai bien écouté la musique. Hein. Donc, alors, maintenant, comme tout le monde sur IRC me demande si t'es séduit avec mes poèmes, donc est-ce que tu peux répondre à la question IRC? En sachant que c'est Poule Mystère. Voilà, en sachant que c'est Poule Mystère, comme Rigo dit. Il y a trop de mystère dans la... Non, non, mais vous la laissez répondre, d'accord, maintenant? Je pense qu'en effet, tu m'as suivi. Oh, tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît, je joue, là. Attends, toi. Gérard, arrête, le tape pas. Ah, mais Gérard, si tu m'écoutes pas, c'est pas... Mais non, il t'écoute pas, là, il est en train de taper fil d'art. Cette lame, c'est un poème de quel siècle? Non, Gérard, vas-y. Maîtrise quelque chose, là, où j'ai tapé fil d'art, reprends. Il y a Poupou de Mystère qui te parlait, tu l'as même pas écouté du coup. Donc alors vas-y. Moi j'ai un poème sur le pont de l'Alma. Bon, ta gueule à toi sur le pont de l'Alma. En plus t'as rien à voir. Mercedes. Oh le roi, putain. Mais balance-moi un disque. Mais non, mais non, je vais un disque. Non, toi qui es au pont de l'Alma que j'entends. Toi aussi. Au pont de l'Alma, non, je ne il est incroyable. Oh oui, mais attends. Alors tu le prends, tu l'emmènes dans ton bureau, tu ne lui donnes plus. Ah d'accord. Tu l'emmènes dans ton bureau, tu vas jouer avec. Quand je m'éclate dans un pylône. Bon, alors, attendez. Oh, maintenant. Et combien, Game Boy? Oh oui, Sandy, je jouis. Oh oui. Alors, on va garder. Poupou de mystère. Oui, je suis là. Donc tu restes. Ok. Potiron du sexe. Ouais. Toi, tu vas te calmer ou sinon tu vas dégager. D'accord. Oui, d'accord. Plus celle du sud. Oui. On va te garder. C'est gentil. Bah attends, c'est moi qui décide. Hein. Attends, c'est toi qui décide, c'est moi qui te commande, d'accord? Non, d'accord. Ok. Ok. Moi, je correctement. Ok. Donc, Manu, oui. tu me balances le disque tout de suite? Oh, bah, oui. Il est 2h18, vous allez réfléchir à la troisième question. Déjà? Quels sont, pour vous, les poèmes les plus beaux? Et on répondra avec Poupou de Mystère à la question IRC depuis tout à l'heure qu'on nous demande comment j'ai fait... Non mais ils s'en foutent maintenant. Ils ne veulent pas que tu répondes, ils vont s'en aller si tu réponds alors. Non mais on va leur répondre avec Poupou de Mystère et on va perdre des gens, Gérard, on va perdre des gens. Eh ben, c'est dans ce cas-là, on va s'écouter quoi? On va s'écouter, attends que je te dise pas de conneries. Okay. Je me mets... Quoi? Je me mets un doigt dans le cul, non? Non, c'est pas ça. Bouge la grosse. Non. Mais quand me mets un carton dans les fesses parce que mais je ne suis pas essuyé. Mais quand est-ce qu'on va l'avoir en CD, bouge la grosse? Ah bah ça, je sais pas. Faudra voir si tes débats sont bien. Ouais, mais faudrait qu'on ait un petit cadeau. Ouais, faudrait qu'on l'aille en entier. Donc pour l'instant, c'est, je viens de te le dire, le titre. C'est toi qui viens, je suis la grosse. J'ai un carton dans les fesses, quoi? Attends, il y a Max. Avec je me suis mal essuyé. Avec je me suis mal essuyé. Et donc vous réfléchissez à la question. Quels sont pour vous les plus beaux poèmes? Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0870-5000. Et 0803-08-5000. Oh, ta gueule! Ta gueule à toi, tu as feignant! Bon à rien, qu'est-ce que tu fais là? T'es tombé dans la poubelle? Pauvre tâche! Tâche! Bizarre! Ouais, allez! Attends, parce qu'on l'avait pas mis en entier, le truc, elle est la grosse! Elle est où? Bah, elle est au standard! Ta gueule, elle est au standard, elle t'emmerde ma grosse, ok? Tu vas pas lui raccrocher au nez comme t'as l'habitude de faire! C'est que le 30 secondes, je vais chercher. Bon, alors, donc, on se met le carton dans l'arrêt, et puis voilà! On se retrouve tout de suite après. Manu, annonce le disque, s'il te plaît. J'ai un carton dans l'arrêt avec je me suis mal essuyé. Ok. Voilà, et vous pouvez nous appeler au 0870-5000. Et 0803-08-5000. 5000 est toujours lié à www.funradio. Voilà. Et donc c'est Rigo qui vous répond. Voilà, on est... C'est les débats de Gérard quand même. C'est toujours les débats. Gérard, par rapport à l'IRC, vite fait, je voulais juste te dire qu'on a dépassé les 4500 quand même, ce qui est un record, même si ça fait pas encore 4900. On est 4623 et je voulais saluer quelques personnes, Spoutnik, Izen, Cédric, Yankee, Ice-T, Chocobo, Cédric et les autres, quoi. Allez, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Aujourd'hui, on est le... Combien ? On est le 3 décembre. Ouais. Ouais. Non, le 4 décembre. Ouais. Allez, faites-moi plaisir. Montez-moi le l'IRC. L'Internet. Faites-moi monter l'Internet à 5000 personnes. Allez, on récupère. Allez. String en fleurs. Oui, mais reste à toi, Gérard. Re-salut. Salut. Mastoc, chose mystère. Salut, ma la grosse, debout, espèce de fille. Bouge la grosse, là, t'inquiète pas, on a une surprise. Salut Rigo, salut Manu et salut Fildar. Salut, machin mystère. Salut à tous. Et puis moi, je pue de la gueule. Oui. Non, je viens de te dire salut GG, donc t'as pas entendu. Ouais. Non, mais moi, j'ai mal entendu ce que tu m'as dit. Bon, allez, c'est pas grave, on y va. C'est pas grave. Plus celle du sud, j'espère que tu t'es calmé. Salut Gérard. Verlaine. Oui, bon, rebonsoir. Tu t'es calmé? Oui. Potiron du sexe, j'espère que t'es calmé. Oui. Et Santa Belgica aussi. Oh, j'étais pas énervé, moi. Bon, ouais, alors deux, calmé. Maintenant, on va continuer le débat. Sérieusement. Je suis pas calmé, je te le dis. Bon, qui est pas calmé? C'est ton grand-père, tu m'as pas demandé si j'étais calmé. Bon, tu t'es calmé? Ouais. Bon, alors maintenant, on y va. Quels sont pour vous les plus beaux quels sont pour vous les poèmes les plus beaux? On va demander ça à Santa Belgica. Eh bien, un des poèmes les plus beaux qui existent est que la lie de la mémoire, arborescence rédhibitoire. Tu le connais? Comment? C'est et que la lie de la mémoire, arborescence rédhibitoire. C'est un poème belge. Je connais pas. C'est beau en tout cas. Enfin, Potiron du sexe. Ouais, bah moi, le poème qui m'a le plus touché, c'était le grand classique de la charcuterie. Mmh. Ça, c'est un truc, ça m'a touché parce que ça parle de la mormoine poêleux et j'aime bien. Tu aimes aussi, Gérard? Non. Non, je connais pas. Tu veux que je t'envoie? Non, oui, tu peux l'envoyer au 143 avenue Charles de Gaulle, 92521, Neuilly-sur-Seine-Sedex. Oh, quelle belle voix. Donc tu peux... Non mais vous pouvez toujours nous écrire et puis m'envoyer des petits poèmes. Ah, on peut t'écrire directement à toi Oui, ben vous mettez à l'intention de Gérard et n'ayez crainte. Je qu'on pouvait pas. Ah bon, Fildar, depuis quand que... Attends, mais maintenant il va voir. Depuis quand que les gens, ils ont plus le droit de m'écrire? Ouais, c'est quoi ce bordel, là? Fildar a arrêté qu'on pouvait plus. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a pas de fan club au 143. Tu réponds, auditeur. Ça, faut savoir ce que tu veux. Tu dis que j'éteins mon micro, donc je parle pas. Attends, Gérard. Oui. Je t'ai envoyé des chocolats, tu les as reçus ou pas? Non. Moi, j'ai envoyé des bonbons. Attends, mais t'as envoyé des trucs, comment ça se fait que tu les ai... Attention de Fildar pour Gérard. C'est Fildar qui les a gardés? Fildar? Je t'ai envoyé c'est où? C'est chez moi? Avec des millionnaires. Ah, moi, j'ai envoyé des photos intimes, mais bon. Et tu sais qu'a envoyé des millionnaires? Bah, Verlaine, j'avais envoyé pour Noël déjà les cadeaux à l'intention de Fildar pour Gérard, parce que Fildar m'avait dit qu'il fallait lui envoyer à lui. Ouais. Ah non, mais pas... Fildar, tu t'en. Fildar m'a dit qu'il fallait tout lui envoyer à l'intention de Fildar. C'est pour ça que Fildar, c'est pour ça que t'as des nouvelles sapes. Max, allô! Max, oh! J'ai envoyé des cotons tiges. T'as envoyé des t-shirts Nike. Pour la télévision. T'as envoyé une brassin, j'avais envoyé un... Tu me dis mon courrier, lui. J'avais envoyé une pochette surprise millionnaire, tu sais, avec 20 tickets de millionnaire dedans. Attends, l'autre, on m'envoie des trucs. Oh ah, mais calme-toi, GG. Je comprends pas. Ouais, je t'avais envoyé du chocolat, hein. Attends, et l'autre, il me pique mon courrier. Et du chocolat, t'as déçu. Il y avait des bons tickets au kiwi. Mais non, pas ton courrier. On parlera après. Eh ben, je te faisais chanter. Bon, alors, question Verlaine. Oui, quels sont les... Je vais quand même vous remercier pour les millionnaires et tout ça, les mecs, c'est cool. Non, mais c'est un bâtard, lui, c'est pas grave, on va régler ça après. Pour en revenir à l'IRC, il y a Fedji Dido qui te demande si t'as entendu parler de l'hypraconductivité des poèmes le soir quand il fait nuit. Non. Non, j'ai pas eu l'occasion d'en entendre parler de ça. Attends, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, ça, Gérard. Bah, justement, moi non plus. L'hypraconductivité, tu vois. Non, je sais pas ce que c'est. Moi, je t'expliquerai après. Là. Oh, tu me l'expliqueras. Donc, Verlaine. Oui, bah, moi, bizarrement, c'est un poème à toi qui m'avait plus marqué, mais il y a longtemps, quoi. Ah, bah, dis. Bah, je me souviens à peu près du texte, je sais pas si t'en souviens, c'était bien sûr, je voudrais te dire je t'aime. Ouais. Et c'était que ton 20e nom frigo, c'était sur un air de trompette avec sur un cendrier, je sais pas si tu te souviens. Ah, bon, bah, sur la règle. Hey Gérard, c'est vrai que tu couches avec Big Bill? Qui demande ça? Pas moi. Plus celle du sud. Oui. Donc toi? Bah moi ce sont les poèmes de Yaponovitch. Bah Gérard, c'est vrai que tu couches avec Big Bill? Oh là là. Tu sais du sud. C'est un poète russe dont les œuvres ont été traduites en français. C'est très beau. Mmh. C'est très dépouillé, t'as un mot par page, mais c'est très bien pensé. C'est très bah bien. Gérard, c'est vrai que tu couches avec Big Bill? Poupou le mystère. Oui, bah écoute, moi ce que je peux te dire, c'est que pour moi les poèmes les plus beaux, c'est Baudelaire. Ouais. Et bien sûr, les filles. Oh, Pidard! C'est exactement grâce à ça, grâce à tes poèmes, que bah, je t'ai connu, quoi. Que j'ai fait ta connaissance, et puis voilà. Ah, bah voilà, elle répond à la question de l'internet, Gérard. Tu me montes dessus, c'est tout. Ah, la question. Non, mais il y en a une autre. Ah! Et autre. L'IPRA, hypercontactibilité, apparemment tu sais pas ce que c'est. Il y a, on te demande si c'est vrai que, si les poèmes du Figaro signés Gégé de Suresnes, est-ce que c'est les tiens? C'est Chocobo qui demande ça. Non, c'est le Figaro, j'ai jamais mis de poèmes sur le Figaro et j'irai jamais mettre des poèmes. C'est quelqu'un d'autre alors? Non mais là-dedans, j'irai bah, jamais mettre. Payer. Comment? Il faut payer. Oui, il faut payer. Poupou le mystère, pour l'instant, je réponds, tu me laisses parler, s'il te plaît, merci. Ok, y a pas de problème. Avant que je t'assomme. Alors, ça, sûrement pas, parce que t'as pas... Non, là, c'est bon, laisse-le répondre, putain. Eh oh, tu la laisses parler, toi? Tu la laisses parler, toi? Eh, Gérard, t'as juste pris ton cul? Pour répondre à la question IRC, donc, donc on va demander à... Bah, String en fleurs, maintenant. Gérard, t'as juste pris ton cul? String en fleurs! Voilà, oui, déjà, je veux dire que Moby Dick Mystère, là, elle a pas beaucoup de goût au niveau des poèmes. Mm-hmm. Et deuxièmement, les plus beaux poèmes, bah, c'est ceux qu'on fait avec le cœur, hein, ou ceux qu'on fait avec l'alcool. Non, mais de manière, en principe, quand tu fais un poème, tu le fais du fond du cœur, pour la personne que t'aimes. Ouais, tu peux le faire du fond du cul aussi. Non. String en fleurs. Ouais, mais je te disais, avec l'alcool, reconnais que quand t'es un peu éméché, ça aide pour l'inspiration. Non, je vais te dire une chose que les plus grands poètes, ils ont toujours consommé un maximum quand même. Eh, je vais te dire une chose que... Ouais, autre chose. Bah attends. Où est-ce qu'il y a un, là, pour l'instant? J'ai rien fait. Où est-ce? Non, mais c'est lui, là. Où est-ce? Là, Pildar, tu me laisses ton micro éteint, et c'est tout. D'accord? Rigo, question IRC, avant que je réponde. Alors, est-ce que c'est vrai que j'ai lu dans le Surénois Magazine que Gégé donne des cours de poèmes? C'est Turpentine qui te demande ça. Non, je donne pas les cours de poèmes et... C'est peut-être une idée, ça. Non, mais même, je donnerai pas mes cours, je donnerai pas c'est comment que je fais mes poèmes, ni rien du tout. De toute façon, t'as pas le temps, hein, c'est compliqué. Comme Coca-Cola, c'est top secret. Oui. Tu donnes des cours au comité volontaire. Oh! On se calme derrière, on laisse parler la personne qui veut me pas, qui pose la question. Donc ce que je voulais te dire, c'est que si moi tu me donnes des cours par correspondance pour faire des poèmes. Alors, les cours par correspondance... Et donc ce que tu n'as pas dit. On n'entend rien à ce qu'elle dit. Non mais c'est normal parce que Fildar il parle dessus. Donc alors les cours par... Les cours par correspondance, Manu tu vas te taire s'il te plaît. Donc les cours par correspondance... Putain ça commence à bien faire, je vais pouvoir répondre. Quel bordel. Ouais, mais je pense que ça va être les deux débats qui vont foirer. Et si les deux débats foirent la semaine prochaine, j'en ferai qu'un. Ça sera les jeux vidéo. Donc, alors, avis aux amateurs, pour les autres. Gérard, pour revenir au débat, bravo déjà. Et il y a Chocobo encore qui te demande où est-ce qu'on peut trouver ton papier peint, les poèmes de Gégé avec tes poèmes décrits dessus. Alors là, dans ces cas-là, le truc avec les poèmes de Gégé, donc dans ces cas-là, vous achetez le best-of qu'on a fait avec Max. Le papier peint. Non mais le papier peint, ça n'existe pas. Si, lui, il l'a vu chez des gens. Ouais, ben il l'a peut-être vu moi, chez les gens. Du papier toilette à Saint-Ouen. La dernière fois, je te jure, c'est vrai. Ouais, ben moi, j'en ai rien à foutre. Donc, si vous voulez savoir... On me dit qu'il y en a qui ont dû des 4x3 sur des nationales aussi. Ouais, ben ça, c'est des conneries. À côté du Mans. Oui, c'est ça. T'as raison, toi, tu sautes du sud. Continue comme ça, tu m'intéresses. Vas-y, cochonne. Alors, pour répondre à la question... quels sont pour vous les poèmes les plus beaux? Donc c'est sûr, il y a Verlaine, il y a Baudelaire, il y a je pense que il y a plusieurs personnes qui en ont fait. Bon, pour dire que Herbert Léonard, c'est un chanteur. On peut des poètes, les chanteurs. Non. Justement, Gérard, on avait récupéré sur Internet un petit sondage à la question quel est votre poète préféré. On avait 43% des gens qui préfèrent Pythagore. Ouais. 24% des gens préfèrent Lily à poil. Voilà. Ah, très bien. Et 100% des gens détestent le poil de Swan. Dan. Non, mais ça, c'est des trucs confidentiels. Ah, je vous ai trouvé ça. Non, c'est ma pochette, ça, Gérard, du calme. Non, non, mais attends, parce que déjà, il y a un truc que j'ai retiré. Ouais. Parce que dessus, c'est marqué Lididi. Alors, il est hors de question, donc tu fais gaffe à ce que tu vas lire. T'as jamais lu ces poèmes? Ok. La tienne, toi, connard. Alors, doit-on parler plus souvent de. Doit-on parler le plus souvent de quoi? J'ai pas répondu à ta question, hein. C'est qui? Fanta Belgica. Ben, je t'écoute. Donc, les poètes que j'admire beaucoup, bien, il y a par exemple un poète belge qui est très connu, c'est Hergé, qui a écrit les poèmes de Tintin et Milou. Mmh. Donc, il y a Rigaud qui a une question IRC, non? Non, la question, c'est pourquoi mon micro, il s'éteint plus. Ben, si, il s'éteint. Ah, oui. Si, voilà. Alors, ça y est, non, mais ça y est, Rigaud. Ouais, ça y est. On se calme, hein. Donc on va essayer de continuer le. Alors, doit-on parler plus souvent des. Attends. Doit-on. Attends. Calme-toi, Gérard. Reprends petit à petit. Doit-on. Mais c'est quoi, doit-on parler plus souvent des poèmes à la télé? On va demander ça à String en fleurs. C'est quoi cette obsession du doit-on, là? Qu'est-ce que ça peut te foutre si tu veux pas répondre, tu le dis, on prend quelqu'un d'autre à ta place parce qu'il y a Franklin qui sonne. Mais Gérard, toi perso, rapport au doigton, tu mets un doigt ou deux doigts? Voilà, exactement. Mmh. Et toi, est-ce qu'on te demande si tu mets deux doigts ou un doigt Mais non, mais moi je te le demande. Gérard, pour revenir au débat, il y a la Formos qui me dit que pour les débats à la télé, il devrait plus en parler dans le Big Bill. Ouais, mais ça, c'est pas évident. Donc, String en fleurs. Tu peux me refaire la question, là, parce que je suis largué. Alors, doit-on parler plus souvent des poèmes à la télé? À la télé, non. Je pense que, franchement, les poèmes, ça reste dans le milieu de la radio. Mmh. Je pense qu'il y a quand même déjà suffisamment de gens qui souffrent avec tes poèmes, donc faut pas trop que ça se diffuse à la télé, parce que sinon, tu pourras quand même contaminer pas mal de monde. Non, mais attends, String en fleurs, oui. Dans ces cas-là, moi, les poèmes que je fais, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les auditeurs et les auditrices. Je sais, c'est là qu'il est le danger, justement. Mm-hmm. Et qu'il peut toucher tout le monde, ton poème. Non, mais ça, de toute manière, ça touchait déjà. Bon, Mais tu touches. Non, mais attends. Ouais, Sylvain, arrête tes conneries, là. Ouais, laissez tranquille, là. C'est un mystère, là. Hein. Ça, c'est un mystère. Bah, tu te calmes. Non, parce que tu m'en mets à l'antenne et après tu me remets à un standard, là, ça va pas du tout. C'est quoi ce sujet? C'est pas bon, Sylvain. Fait ça à tout le monde, hein. Oh, la menteuse. Ah non, je suis pas une menteuse, je dis toujours la vérité. Alors, Poupou le mystère. Oui. Attends. Oui, Rigaud. C'est bon, oui. Alors, on te demande si t'es bourré quand tu fais tes poèmes. Non. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Gégé, c'est qui ta muse? C'est Sandy ta muse ou pas? Non, Gégé, il fait mumuse tout seul. Non, est-ce que Sandy, c'est ta muse? C'est ton égérie. Zolière. Bon, est-ce que c'est là que tu trouves ton expiration, par exemple? C'est qui parle, là? C'est String en fleurs. Bon, alors, String en fleurs, pour l'instant, tu viens de répondre, tu laisses parler les gens. Donc, Poupou le mystère. Poupou le mystère. Gérard, elle est là. Elle est là. Vous m'entendez, là? Elle est là, c'est bon, Gérard, reviens. Bon, alors Gérard, c'est absolu du studio, je ne sais pas pourquoi. C'est pareil, il est parti dans le... Je vais très souvent. Attends, c'est pas la peine, Poupou le mystère, il est parti. Je pas. Il va revenir, là, c'est pour... Poupou le mystère, t'as pas un poème pour Gérard pour le faire revenir? Bah écoute, je vais essayer de trouver dans mes affaires et puis je vous le fais pas. Vas-y, cherche bien. Cherche dans ton neurone, ouais. Gérard, Poupou le mystère, elle veut te lire un poème. Je suis ta dent, les autres, on va aller dans le là, quand on crie. Tiens, je t'appelle. Non, mais là, il arrête pas de. Aïe. Les gens sans arc, ça va pas. Allô? Ah, moi, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'appelle, là. C'est ta numéro mystère. Allô? Et t'es là, Poupou le mystère, t'es là. Oui, t'es là, sans doute. L'autruche? Allô, l'autruche? Bah, il m'écoute, j'ai fait ou pas? Je l'écoute. Et les autres, en attendant. Donc, c'était quoi déjà la question? Alors, doit-on? Non, mais attends, c'est encore pas le dégât. Mais là, il y a une basse cour derrière. Je suis pas, Gérard. Bon, moi, c'est simple, il est 2h40, je pense que je vais arrêter. Ça va aller plus vite, hein. Donc, certains auditeurs se calment de temps en temps, que ça fasse pas masse et que tout le monde s'y mette, quoi. Alors, Poupou le mystère, tu veux répondre? Donc, c'est doit-on parler plus souvent des poèmes, je sais pas quoi, là? Ouais, à la télé. Ouais, bah, je pense qu'on devrait sans doute consacrer des reportages pour à propos des poèmes. Mmh. Et essayer de parler de ça, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez à la télé. Mmh. Et donc voilà, moi je pense qu'on devrait faire des reportages, quoi. D'accord. Rigaud. Oui, Attends, excuse-moi, Popo le Mystère, il y a une question hier. On te demande combien de poèmes tu as écrit dans ta vie. Alors. C'est toujours la même. Donc, les poèmes que j'ai écrits dans ma vie, donc à l'heure actuelle, il y en a plus de 200. Ah, oh, quand même. Mmh. Alors. 200 quoi ? 200 feuilles ? Non, non, mais attends, toi, tu éteins ton micro parce que c'est moi qui ai la feuille maintenant. Je te pose une question, Gérard. Ouais, non, mais moi, c'est 200 poèmes que j'ai sur des feuilles. Alors, à la question, quel est votre poète ? Après, vous allez plus celle du Sud ? Oui. Verlaine ? Ouais. Potiron du sexe. Oui. Et Santa ouais. Belgica, donc n'ayez crainte, vous allez répondre à la question, je vais quand même lire un petit sondage là que j'ai D'accord. sous les yeux. Il y en a un par contre. Celui-là, il va être vite lu. Alors. Lequel, à quel poète aimeriez vous ressembler? Merde. C'est rare. Celui-là. C'est à la question, quel est votre poète préféré, Tarié, Mais ça, Non, il a lu là-haut. Mais non, il a lu celui-là, tu t'es énervé à cause de ça, tu te rappelles même plus pourquoi tu... Alors, à la question, que verriez-vous comme thème de poésie? Donc, 20% des gens sont aveugles et n'en font que d'écouter. 25% des gens verraient mieux avec des lunettes. 37% des gens ne voient pas le rapport. 43% des gens n'aiment pas la question. Donc des trucs comme ça, moi, c'est même plus la peine qu'on fasse des débats. Ça sert à rien d'essayer de jouer au con comme ça, Fildar. Attends, je veux juste voir la question. Là. Donc, Pucelle du Sud. Bien, allez bien, tu vois, tu pourrais répéter la dernière question. Pucelle du Sud. Oui. Donc pour toi. C'était quoi déjà, puisqu'on a beaucoup parlé là. Alors, doit-on parler plus souvent des poèmes à la télé? Oui. Non, je pense que c'est bien. Ah non ? C'est bien que les gens ignorent que les poèmes existent, comme ça ils vont pas évoluer culturellement, puis ça ne fera pas des intellectuels. Mmh, mmh. Verlaine ? Oui, je pense qu'on aurait une transaction translative si on parlait plus des poèmes à la télévision, ce qui permettrait de plus voir en quoi est constitué le poème, et ça revaloriserait l'ensemble du monde de la poésie. Ouais. Mmh. Potiron du sexe. Il est parti. Il est parti. Alors, Santa Belgica. Ben oui, écoute Gérard, puisque je représente le public belge, il faut savoir qu'à la télévision belge, il y a énormément d'émissions de poésie. Ça passe toute la journée avec des musiques de violon, c'est un petit peu chiant. D'accord. Merci, Fildar, de le couper quand il n'a pas fini. C'est tout ce que tu avais à me dire? Santa Belgica. Oui. J'ai juste dit que c'était un petit peu chiant, et c'est tout. Ah d'accord. Oui. Parce, là, je comprends pas, parce que les trois quarts du temps, ça saute. Je me demande ce qui se passe. Pourquoi les poèmes sautent? Non, mais la ligne saute. Ah, bon. Les poèmes en ligne, en octosyllabe, alors. Eh, c'est quoi ce bordel? Je sais pas. T'as bien vu, je touche à rien, si tu veux que je te dise, je sais pas d'où ça vient, moi. Putain, mais Léo! Ça veut dire quoi, là, ce bordel? Je sais pas. Putain, mais c'est pas possible, hein. Depuis quelle date existent les poèmes? On va demander à String en fleurs. Quoi? Ta gueule! Va t'enculer, connard! Oh là là, ça dégénère, hein. Ouais, Gérard. String en fleurs. Ouais, bah écoute, les poèmes, je pense que ça remonte à l'aube des temps, hein. Bah tu peux préciser? Bah je sais pas, l'Antiquité, la Renaissance, le Moyen-Âge, la Grèce antique, tout ça. Mm-hmm. Tout ça, il y avait déjà les plus grands poètes à cette époque-là. On n'a pas entendu que Paris, heureusement d'ailleurs, pour avoir des grands poètes quand même. Non mais attends, mais moi je les appelais sur l'antenne de Fun Radio depuis 93. Non mais je sais, mais heureusement qu'on n'a pas attendu et qu'il y avait des Platons et des Dioscures et tout ça avant toi, parce que voilà quoi. Ah, si ça te plaît pas ce que je fais comme poème. Écoute-moi. Si ça te plaît pas, dans ce cas-là, tu changes de radio, c'est que ça va plus vite, hein. Mais si, Gérard, je te dis que t'es une représentante de la lignée des pédagogues, c'est plutôt un compliment, je veux dire, arrête. Bon, beaucoup de mystère. Bah écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que les poèmes existent déjà depuis Jésus-Christ. Depuis 1900, hein, ok? Non, même avant 1900. Ah bon? Parce que Jésus-Christ, il est né avant 1900. Oui. Donc, et moi, je suis né après, je suis bien né avant Jésus-Christ. Ouais, mais toi, c'est pas Jésus-Christ. Non, je suis qui? Je le suis, en fait, ça y est, depuis que Jésus est écrit. Oh, on se tait derrière, on la laisse parler. Donc, tu disais, toi? Ouais, donc, je pense que les poèmes ont été créés à l'époque de Jésus-Christ. Et alors, moi, je suis bien né avant Jésus-Christ. Non, t'es net, tu comprends pas ce que je veux te dire, mais c'est non, mais de toute manière, je comprends pas le français. Ah bon, tu, bah, si c'est toi qui le dis, alors, tu le reconnais, eh ben. Puis celle du Sud. Ouais. Bah, les poèmes, ça date depuis que les gens écrivent. Mm-hmm. Ils ont commencé par ça, en fait. Donc, d'accord. Ils ont commencé par l'écriture cunéiforme et ils ont fait des poèmes tout de suite pour séduire leur belle pour les sodomiser. Ouais, ben, de toute manière, on n'a pas besoin de séduire sa belle pour la sodomiser, comme tu dis, c'est bien. Elle est pas si. Ouais, ben, peut-être. Mais je pense pas, à mon avis. Verlaine? Oui, ben moi je pense que les poèmes existent depuis très très longtemps quand même. Je sais pas exactement depuis quand. Par contre, il est sûr que la poésie, elle est apparue il y a 3 ou 4 ans avec toi d'une cabine téléphonique à Suresnes. La vraie poésie, la pure. Hein. Bah disons, ça m'est venu comme ça d'en faire, et puis maintenant ça m'empêche pas de continuer de les faire. C'est sûr que... Bah, attends, Verlaine, c'est sûr qu'au début... tout le monde me disait bon ben que j'en refasse. Bon, c'est tout le monde, même Max m'a demandé à ce que j'en refasse. Mmh. Oui, vas-y, continue, je t'écoute. Donc ben là il y en a 4 pour ce soir, donc on va pas perdre le terrain, non. D'ailleurs Gérard, si je pouvais me permettre, moi j'en ai fait un petit, j'aimerais bien que tu l'écoutes à la fin avec le tien pour me dire ce que t'en penses plus tard. Non, mais de toute manière tu vas lire le tien toi en premier. D'accord. Et moi, je lirai les 4 miens. Maintenant, bon, bah écoute, je vais te le lire maintenant. Ah, vas-y, fais-en tout de suite. Alors les gens de Vierci, ils veulent pas t'entendre. Écoute, c'est sur Sandy. Alors, Sandy, j'aimerais te dire I love you sur un briquet. Sandy, j'aimerais te dire I love you sur un porte-avions. Sandy, j'aimerais te dire I love you dans un sous-marin. Sandy, j'aimerais te dire I love you sur une blouse blanche. Sandy, j'aimerais te dire I love you quand tu es en majorette. Sandy, j'aimerais te dire I love you sur un tétard. Sandy, j'aimerais te dire I love you sous une torpille. Sandy, j'aimerais te dire I love you quand je t'offre une souris. Non. Sandy, j'aimerais te dire I love you sur un uniforme. Sandy. Ah, c'est comme ça. Enfin. Sandy, je voudrais te dire je t'aime dans un camion frigo. Sandy, je voudrais te dire I love you quand on fait les vendanges. Sandy, je voudrais te dire je t'aime sur un air d'accordion. Gérard. Je voudrais te dire je t'aime sur une batteuse. Sandy, je voudrais te dire je t'aime sur un air de trompette. Sandy, je voudrais te dire je t'aime avec une sucette. Sandy, je voudrais te dire je t'aime sur un cendrier. Sandy, je voudrais te dire je t'aime sur une routière. Sandy, je voudrais te dire je t'aime sur un filtre à café. Oh oui, Sandy, je voudrais te dire je t'aime sur une oreille. Sandy, je voudrais te dire je t'aime sur une boîte de thon. Sandy, je voudrais te dire je t'aime quand je mange de l'ail. Sandy, je voudrais te dire je t'aime quand on mange des cartes. Ah bah ouais. À la vie. Alors, il est où? Pourquoi tu viens chez moi après, Gérard? C'est vachement bien. Bon Gérard, tu fais quoi là? Oh. Alors? Hey, tu l'as coupé. Putain, t'es vraiment un bâtard quoi. Ah mais quoi? Ils sont très beaux tes poèmes, hein. Hey, tu viens chez moi après Gérard? Ta gueule, toi, va te faire foutre. Donc, de toute manière, on va pas continuer, on va s'arrêter. Tu viens chez moi après Gérard? Va te faire foutre toi. Vas-y, enchaîne Gérard. Non, non, mais de toute manière, on arrête là. Oh non! Continue là. Je n'ai pas attendu tout ce temps pour rien. Verlaine, tu me le gères. Allez, je te fais une petite surprise pour les 10 dernières minutes. J'accueille Couscous à la place de Potiron du sexe. Au revoir, Gérard. Allô, Couscous. Au revoir à tous. Salut, Couscous. Salut, Couscous. Bon, alors, Couscous, depuis quelle date existent les poèmes? Moi, je pense que ça existe depuis que les poètes existaient, disons, dans les années 1900. Ah, bah, 1900, c'est la date que j'ai dit. Après Jésus-Christ. Bon, Verlaine, tu fermes ta gueule. Ah, mais c'est pas Verlaine, là. C'est écrit, c'est à cause des clous. Allô, Gérard, rentre chez toi. Ah, ouais, c'est Couscous, là. Ouais, Couscous. Ah, ouais, qu'est-ce qui se passe? Allô, c'est Merguez. Putain, Fudjar, Gérard, pour revenir au débat sur l'IRC, il y a D-Light qui te demande si, comme lui, tu es fan du poète grec Sergueï Boubka. Je connais pas. Pourtant, il a écrit de super trucs. Ouais. Génial. Donc, il est 2h48, 2h49. Ça y est. Oui. Allô. Allô, c'est quoi ce bordel? Allô. Oui, allô, c'est de mon soir, toi, Sandor. Ouais, bonsoir. Bon, Gérard, pour continuer le débat, vu qu'apparemment, je suis en train de continuer, moi, j'ai des questions à te poser. Il y a Isen sur l'IRC qui te demande lequel de tes poèmes aimes-tu le plus? Ah, c'est une bonne question, ça. Mais ça, justement, je ne l'ai pas là et j'en ai fait 4 nouveaux pour éviter de changer. Donc, je vais en faire un et puis après, je pense qu'on va se mettre. Non, on se met pas de disque. Non. Ah non. Bah, on fera la conclusion. On finit dans 10 minutes, donc. On se met pas de disque. On fera une conclusion, donc. Donc alors. On a répondu, en fait, c'est lequel de tes poèmes que t'aimes le plus? Le mieux que j'aime, c'est. Je voudrais te dire "I love you", mais tu écoutes ton Whatman. C'est celui-là qui me touche le plus et que tout le monde a apprécié. Moi, je sais, si je peux me permettre, Gérard, j'étais pas encore ici, mais je t'écoutais déjà. Et il y en avait un où je me souviens d'une phrase en fait, mais ça faisait "J'aimerais te tenir la main sur le dos d'une vache". Non. Et je pense que dans ce poème-là, il m'avait captivé. Non, je vais te dire une chose que là, tu... Non, mais attends, Manu, là, j'ai jamais été dire ce que tu viens d'annoncer, là, tu peux redire la phrase. J'aimerais te tenir la main sur le dos d'une vache. Non. Ah si, non, témoin. Non. Alors là, je peux te dire une chose que j'ai jamais été lire ça à l'antenne. Bon, c'est pas grave. C'était dans un poème. C'est pas grave. Mais attends, il y a un nouvel auditeur à la place de Véran que t'as viré, on a son copain Rambo. Non, mais c'est pas la peine, que manière, c'est pas la question. Salut Rambo. Donc alors on va... Je vais... Allô, on m'entend ? Salut Rambo. Allô ? Oui, c'est Rambo. Salut Rambo. T'es bonne Gérard. Elle mesure 1 mètre pour 400 kilos. Elle, c'est Sandy. Elle s'en dit à ton merde. Ok. Sandy. Ouais, Rambo. Alors. Allô. Bon, ça y est, pour l'instant, je veux lire les poèmes. Manu, tu mets le double son, s'il te plaît. On m'entend bien, là, je suis au Vietnam, là. Ouais. Gérard, on a Rambo au Vietnam, donc tu peux... Bah, j'en ai rien à foutre. Bon, ouais. Écoute, j'ai... C'est un grand poème, Rambo. Alors... On peut me perdre, parce que je suis sur une valise satellite, hein. Putain, mais il va fermer sa gueule, lui. Merci. Alors, ça s'intitule « Mon bébé ». On le fait tout de suite? Oui, on les fait maintenant. Bon, alors on y va, On devrait plutôt peut-être faire la conclusion. Ensuite, tes poèmes, ouais. Non, je pense que c'est mieux. Quoi. Non, je fais... Mais vraiment. Non, mais c'est pas toi qui commande, c'est moi. Non, comme ça, il fait les poèmes avec les auditeurs, comme ça, c'est cool. Non. C'était juste une suggestion, quoi. Non, mais de toute manière, on va faire... De toute façon, Max, il vient de me dire, Max, on fait la conclusion et après, on fait les poèmes. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Mais... Sinon, je te le dirais pas, on est venu me le dire. Tu mets toi ton micro et que tu la fermes. La conclusion. Non. La conclusion d'abord, si. Mon bébé, fais-moi l'amour. Non, sérieux. Putain, mais c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? Bah, tu verras avec Max après, hein. Alors. C'est toi qui vois, hein, mais bon, conclusion d'abord, quoi. Non. Oh, c'est complètement les fesses. Non mais quand vous aurez fini de commander, mais non, mais c'est pas nous. Bon, Rigo, le nom de combien de personnes? On a perdu là, si tu fais pas ta conclusion tout de suite, ils s'en vont les gens. On a perdu 1200 personnes là. Non, ça j'y crois pas trop non plus là-dedans. Bah tu verras. Bon, donc mon bébé. Mon bébé, fais-moi l'amour dans ma camion. Manu, tu fermes ta gueule. Non, mais bah, je sais pas ce que t'en penses, Phil, mais moi, je pense que la conclusion, elle sera la bienvenue. Bon, alors, vous me faites chier, il n'y aura pas de poème ce soir, c'est tout. On fait conclusion, et voilà. Ok, poème d'abord, ok. Non, conclusion. Conclusion, on va demander à String en pleurs, comme ça va aller plus vite. Mais attends, c'est qui commande le jeudi? C'est moi? Non, c'est moi. C'est toi qui ferme ta gueule. T'as compris? Ferme ta gueule. Ok. Alors, attends, c'est moi qui commande. Alors, conclusion, il n'y aura pas de poème. Pourquoi il n'y a pas de poème? Parce que c'est pas à eux de commander, ça, moi. Pourquoi il n'y aurait pas de poème? Donc, moi, je fais les poèmes et je ferai les conclusions derrière. Bah, tu crois pas que ça serait peut-être plus intelligent de faire la conclusion? Non. Non, mais est-ce que t'as tous les auditeurs qui vont t'inventer, ils vont pas arrêter de t'emmerder. Et après, tu vas gueuler. Tu fais ta conclusion, tu fais vite une torche en 10 secondes et tu prends 5 minutes de ton temps, entre 55 et l'heure, pour faire tes 4 poèmes tranquilles. Alors, String en pleurs. C'est quand même inadmissible, ça. Ta gueule à toi! On te l'avait. Ta gueule! Ouais, GG. String en pleurs, conclusion. Oui, tu m'attends là? Oui. Ok, donc je voulais te dire en conclusion que quand je suis dans ma Mercedes et que je suis à fond la caisse, je m'éclate sur un pylône et que je me fracasse la colonne. Continuez à dire cela. Non, je ne déraperai pas sous le pont de l'Allemand. Voilà, c'était pour toi, Gérard. Gérard, pourquoi tu vas taper Fildar tout le temps? Il était beau, son poème. Allez, à suivre, beaucoup de mystère. Beaucoup de mystère. Moi, ce que j'ai à dire à GG, c'est que là, franchement, je suis vachement dégoûté parce que là, les débats se passent très mal. On lui pose des questions, il ne répond pas correctement aux questions. C'est vrai. Ouais. Et là, je comprends pas, là. Ouais. Bon, bah, de toute manière, pas... pour moi, c'était nul. Merci, au revoir. Après, c'est... Attends, c'est quoi, tu commandes depuis quand? Pourquoi tu coupes saucisson à l'ail? Beaucoup de mystère. Ficelle du sud. Beaucoup de mystère. Ouais, non, mais je suis là, hein. Tu restes là parce que tu me diras ce que tu penses des quatre poèmes. Non, mais dépêche-toi parce que j'ai une grosse envie d'aller aux toilettes, hein. Ah, que ça contient. Allez, ficelle du sud. Ouais. Bon, ficelle du sud. Bah, moi, je voudrais te faire une conclusion sur un poème. Ouais. Gérard est optimiste, rien ne lui résiste, car il a des kystes. Ok, merci. Verlaine? Non, c'est Rambo. Le Rambo? Allô? Ouais, allô? Rambo, ouais. Ouais. Vous m'entendez là? Ah, tu fais ta conclusion? Non, il est au Vietnam, attends, il y a un décalage. Là, je suis au Grand Mec, j'ai changé. Ah, ouais, il y a bientôt, alors, on sera à Paris. Il va vite ton hélico. Je voulais juste dire qu'au niveau des poèmes. On se te laisse parce qu'il y a des Khmer rouges. Dégage. Hop. Santa Belgica. Oui, Gérard, un instant, parce que j'étais en pleine création. Alors, eh bien, c'est très simple. Moi, mon père spirituel, c'est un certain G. de Suren, qui est un auteur contemporain, plutôt temporain d'ailleurs. Et je trouve qu'il était nécessaire de présenter, avec le maximum de rigueur, ce trésor de mots français. Qui est classé selon l'homophonie des syllabes toniques. D'accord, d'accord. Ok, on a compris. Okay, on a compris. Hop. Couscous. Ah, Gérard, il n'y a pas de problème. Mais le débat, il était pas mal, sauf que ça gueule un petit peu trop, mais il n'y a pas de problème. Tu viens, comme tu veux, tu viens à la maison. Ok, ça... Ok, j'y pense. Toi, Manu, je vais t'éclater. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi aussi, je pense que tu vas faire comme Fildar. J'ai rien fait. Je pense que tout à l'heure, on va discuter. Hein? Rigo, combien sur l'internet? On a perdu un peu, on est quand même à 3000 et quelques. Ça, je demande vite fait. 3000 combien, les gars? 3125, ah, c'est pas mal. Ah bah, on était à 4500. Bah ouais, mais je t'ai dit, hein, si tu faisais pas ta conclusion tout de suite, ils partaient, les gens, ils sont partis. Non, mais il y en a... Bon, regarde, ben regarde. Tu vois où, un son, là? Là, tu commences à m'énerver. D'abord. Ça? Vas-y. Vas-y, écoute, vas-y. Hein? Bah, me prends pas pour un con. Ouais, c'est pareil. Ça, c'est Olivier. Voilà, donc bon, bah, il n'y aura pas de poème. Il n'y a pas de poisson là. Non, non, attends, faut pas déconner. Allez, il reste 3 minutes, dépêche-toi. Il y a rien là. Allez. Poupou le mystère, elle est toujours là? Oui. Non, mais toi, elle est là. Je suis là. T'es là, Poupou le mystère? Ouais. Poupou le mystère? Oui, je suis là. Non, c'est pas toi. Mais si. Non, c'est pas elle. Attends, c'est un tram, ça. Attends, me fais pas chier, toi. Laisse-toi, j'arrive à faire pipi. Bon, Gérard, il y a quand même sur l'IRC une conclusion de paradoxe. Il dit que les poèmes de... Regarde. En plus, c'est bon, il a la radio. Péter le standard. Bon, je vais refaire ma conclusion de l'IRC, de paradoxe. Conclusion, les poèmes de GG sont aussi nazes que les surprises Kinder, que le dernier top album d'André Verschuren, et que les Feux de l'amour, et que Témoin numéro 1, et que Skyrock réunit. Alors là, André Verschuren, c'est pas moi. Bon, Manu, ça suffit, s'il te plaît. Ça suffit maintenant! Non. Vous faites que du boulot de naze là! Bon, fou maintenant! Fou, pété pour le standard! Pour les émissions de demain, comment je vais faire moi à cause de toi? Bah attends, tu t'en prends après lui! Non, c'est toi qui as cassé le truc en baissant le truc en cassant! Bah fini! Bah vas-y, maintenant Gérard, vas-y! Donc, si elle écoute Poupou de Mystère, c'est pour elle, les quatre qui sont dédiés. Donc, mon bébé! Mon bébé, fais-moi l'amour dans un camion. Oh. Mon bébé, fais-moi l'amour sur une voiture. Mon bébé, fais-moi l'amour dans une niche. Celui qui s'amuse avec les micros va fermer sa gueule et vite. D'accord? Mon bébé, fais-moi l'amour sur un Magnum. Mon bébé, fais-moi l'amour sur mon Godzilla. Mon bébé, fais-moi l'amour sur un Saint-Pangé. Mon bébé, fais-moi l'amour sur une toupie. Mon bébé, fais-moi l'amour quand tu as tes règles. Mon bébé, fais-moi l'amour sur un Bambi. Mon bébé, fais-moi l'amour sur une girafe. Voilà, le premier. Le deuxième. Bravo. Le deuxième, aimé. Alors, je voudrais dire je t'aime sur une carte orange. Je voudrais te dire je t'aime sur un trèfle. Je voudrais te dire je t'aime sur un compresseur. Je voudrais te dire je t'aime quand ça ne va pas. Je voudrais te dire je t'aime sur un livre. Je voudrais te dire je t'aime sur un cheval. Je voudrais te dire je t'aime sur une cornemuse. Je voudrais te dire je t'aime sur un dalmatien. Je voudrais te dire je t'aime sur un concombre. Je voudrais te dire je t'aime sur un corbeau. Le troisième, amour. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur une chouette. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur une cigale. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un cormoran. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un nuage. Sur un nuage. Gérard, excuse-moi, c'est quoi un cormoran ? Ta gueule. C'est quoi un nuage ? Va te faire foutre, toi. Mon amour, je voudrais te dire je t'aime. Je voudrais te faire des caresses sur une cigogne. Mon amour, je voudrais te faire des caresses dans l'espace. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un chevreuil. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur une chicorée. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un chouka. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un chromosome. Le dernier. Et ça, il s'intitule Poulette. Ma poulette. Donne-moi ton amour sur. Donne-moi ton cœur sur un Minitel. Ma poulette. Donne-moi ton cœur sur une platine. Ça, je pense, en parlant de platine, c'est au Gigi. Au Gigi. Et ça, faut dire quand même. Donc, ma poulette, donne-moi ton cœur sur un briquet. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur une carotte. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur un fax. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur un radis. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur un volcan. Pardon. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur une assiette. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur un livre. Et ma poulette, donne-moi ton cœur quand je te dis grenouille. Voilà, terminé. Point final à la ligne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Le thème du débat portera sur les jeux vidéo. Gérard, quand tu dis donne-moi ton cœur sur un radis, tu parlais pour les jardiniers. Va faire foutre, toi, c'est pas toi que je m'adresse. Et pour faire plaisir à Sandy, à moins que Rigo, il y a peut-être question au IRC. Oui, conclusion, la poésie est écrite par des vieux frustrés qui devraient se pendre pour faire un minimum d'argent moralité. T'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin, Gérard nous les brise. Eh ben, enfin, c'est dommage. Beau dicton. C'est dommage parce que. Il y a une autre conclusion de Turpentine. Le débat n'avait ni queue ni tête comme toi. Eh ben, c'est bien. Et donc. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais, ben. Non, mais ce que toi t'as cru, mais de l'autre côté, je peux t'assurer que c'était vraiment bien. Donc maintenant, est-ce qu'on peut avoir. Fulda était quand même meilleur. Vas-y, passe-la nous. Poupou le mystère. S'il te plaît. Poupou le mystère. Poupou le mystère. Putain. Qu'est-ce que tu fais là? Allô? Allô? Non. On passe là en direct. Oh là là là là là là, ça m'était vraiment. Putain, mais dégage, c'est. Dégage. Mais qu'est-ce que tu fais, Gérard? Regarde, mais quoi, c'est bon, je pourrais rester dans le coin. Viens, regarde. Je rappelle-le en direct, s'il te plaît. Attends, je veux un numéro si tu veux. Non, je te ferme. Ça va, c'est pas toi. Viens. Ça, bon, ça, il sait même pas son numéro. Oh là là là là. Dépêche-toi, fais vite, il reste 2 minutes. Hop. C'est long. Mais t'as fait deux fois le zéro, t'as pas besoin. Y'a pas besoin, oui. Hugo, il va le faire. Laisse-moi faire. Oh là là. Bah, il arrive pas à faire son numéro de téléphone, le Gérard. Il signe pas, non, sinon il y a Gérard qui dit que. Commence, allez, dépêche-toi. On va pas lui dire parce qu'il entend même pas. Si, vas-y. Il y a Dylan qui dit qu'il a trouvé que Gérard avait réagi avec poésie ce soir, c'était très romantique. Merci GG pour cet intense moment d'extase littéraire. Sergueï Boubka n'aurait pas fait mieux. Vas-y Manu, ouais. Vas-y. Allô. Salut. Mais elle est là, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la mauvaise ligne, elle est là. Mais qu'est-ce qui se passe, Gérard? Alors, quoi ça sert de t'énerver, Gérard? Bon, allô. Oui. Bah c'est moi. C'est moi. Allô. Alors, qu'est-ce que t'as pensé? Alors? J'ai rien touché. Bon, dégage, Manu. Je prends là-bas. Dégage. Bah si tu veux, vas-y. Hein. Bah vas-y. C'est ton malin. Je vais me faire rigoler. C'est l'autre là-bas. L'autre. Oh l'enculé. Oh, oh là. Je vais t'expliquer aux gens. En fait, bon, on va couper ça. Bon alors, Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a raccroché au nez, Fildar? Un machin mystère? Bon, on commence. Allez. Bon, allez, refais le numéro, mais vite, Gérard. Vite. Attends, laisse allumer la micro. Allez, GG. Vas-y, Ah, il est parti se planquer, tu m'étonnes. Ah putain. C'est occupé? Ouais, maintenant ça s'en occupe, elle répondra plus. Oh là là. Fildar. Oh, sinon, moi j'ai trouvé ça bien quand même tes débats ce soir, Gérard. Franchement. Ah, moi aussi, ouais. Putain, Fildar. C'est dommage qu'on ait pas pu aller plus loin dans les jeux vidéo, mais. Dans les jeux vidéo, dans les jeux télé. Putain. Gérard, tu Gérard, reviens. Gérard, il est parti. Ils sont partis en courant dans le couloir. Bon, bah reviens, c'était des débats, on fait quoi avec Rigo, nous? On n'a pas de micro. Les gens, ils nous écoutent. Bon, ça va, Rigo, c'était bien le Cosmic Laser, c'était quand même ça. C'était cool. C'est bien marré. Non, mais moi, je vais lire un petit peu. Il n'y a plus personne à l'antenne, là. Allô, Lyon. Gérard, fais quelque chose, attends. Tu mets la chanson, j'essaie de... Ma poulette, je suis... Il y a une course poursuite dans les locaux de la radio, il a failli se faire déchirer la gueule. Dégage toi! Non, Gérard, maintenant reste là, Gérard! Ah, c'est bon! Let's go tonight! Bon, finis là, on arrête là, c'est bon, on s'en fout, tu lui demandes en antenne, on lui demande en direct? Vas-y! Il compose le numéro, voilà! C'est bon, je m'en occupe, vas-y, va te mettre en face! Allez! C'est là? Vas-y! Ah. Allez, on y va! Bon, file! Bah, vas-y, prends ta place! Reprends-moi, monsieur, c'est là! Je la prends là! Oh là là, t'es relou, hein, Gérard! Mets-toi au standard, Manu! Allô? Oui? Bébé? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé? Comment? Qu'est-ce qu'on a pensé des quatre poèmes? Bah écoute, ça m'a touché énormément. Hein. Ouais, ben t'inquiète pas, tu étais encore plus touché. Parce que. T'es là? Au Fildar! Putain, mais vous me faites chier, allez au Fildar! Hop, on. Non, c'est le truc qui est levé là! C'est Fildar qui a encore fait ça. Là, le truc, le potard qui est levé. Bon, pour. Ouais! Faites la fête, la grosse! Et voilà, c'était le dédié pour Sandy et on se retrouve la semaine prochaine. Sur Fun Radio et demain, Max, le Star System à partir de 22h.